22 avril 2017, mon nom est Louis Martinguet et bienvenue à cette deuxième édition de Basecall. Bonjour à tous, amateurs de baseball, bienvenue à cette deuxième édition de Basecall en compagnie de mon collaborateur Philippe Debay. Salut Philippe. Bonjour. Content de te retrouver. On va pouvoir faire le tour aujourd'hui, évidemment, de tout ce qui s'est passé pendant un mois et quelques, parce qu'on est une semaine un peu plus tard que ce qu'on avait annoncé. Mais on a vraiment beaucoup de matière pour vous. Ça risque d'être très intéressant. En commençant, si tu veux bien, tout de suite, on va parler de notre premier bloc, des joueurs qui ont un bon début de saison. Oui, c'est toujours intéressant à regarder. Surtout quand on fait un pool, on est tout excité au début de la saison. Là. Mm-hmm. Puis on veut absolument voir... nos joueurs vont-tu produire? Puis là, on dit « Ah oui, c'est qui ça? Pourquoi? » Alors, des joueurs qu'on a découverts peut-être au cours des dernières semaines, surtout parce qu'on ne s'attendait pas à leur performance. Mm-hmm. Des joueurs qu'on a redécouverts aussi, qui étaient perdus, soit pour des questions de blessures ou parce que, évidemment, les équipes leur faisaient plus de place. Et on va faire un peu le tour. Ça va permettre un peu de tenter de voir si ça risque de durer. On va regarder, va en discuter, voir si ça risque de durer. Et comme premier joueur, chez les frappeurs, commençons avec eux. Il y a un nom qui est sur toutes les lèvres. C'est évidemment le retour de cet homme qui nous vient du soleil levant, Eric Thames. Parfois, on va le prononcer Eric Thames, mais bon, on va garder ça, Eric Thames, qui est complètement en feu. Là. Bon, il est dans un autre univers complètement. Oui, depuis le début de la saison. Qu'est-ce qui se passe, selon toi, avec Eric Thames? Et puis, est-ce que ça peut durer, ça? Ben, est-ce que ça peut durer? Pas à ce rythme-là. Ça, c'est définitivement que non, là. Il produit plus que les plus grandes vedettes. Ça n'a pas de sens. Mm-hmm. À moins qu'il soit le nouveau Cecil Fielder qui a à peu près connu le même chemin, en fait. Mm-hmm. Mais non, moi j'en doute. Par contre, je pense que oui, ça va continuer. C'est-à-dire qu'il va continuer à produire à des chiffres intéressants parce que faut comprendre qu'il sort pas de nulle part, Eric Thames. Mm-hmm. Ça a déjà été un prospect de qui on attendait beaucoup au bâton. À Toronto. C'est ça, à Toronto. Il a eu des difficultés, mais bon, il a persévéré. Ça a été, pour lui, ça s'est avéré un bon move d'aller au Japon. Mm-hmm. Et je pense qu'il se développe, il a confiance, et voilà. Donc, évidemment, avec lui, ce qu'on ne sera pas surpris, c'est de voir de la puissance. Il y en a toujours eu. Ça n'a jamais été un problème. C'est un joueur même de qui on aura pu soupçonner peut-être quelques drogues dans le passé. En tout cas, il a le physique de l'emploi. Oui. Mais clairement, je pense que maintenant, on l'a installé au premier but avec les Brewers. Il n'a pas nécessairement l'étoffe et le gant pour jouer au premier but, mais il est assez athlétique. Il va bien s'en sortir. Moi, ce qui me surprend, mais c'est normal, c'est un début de saison, mais c'est que la moyenne est très élevée. Oui. Et moi, je me serais attendu à un Eric Thames plus autour de 260, quelque chose comme ça. Et c'est peut-être ce qui va arriver. Sauf que si vous avez été prévoyant ou bien voyant, vous l'avez pris dans votre pool, dans les rondes, pas nécessairement trop élevé, et il vous donne un méchant rendement. En tout cas, pour côté pool, Eric Thames, c'est un des gros morceaux cette année. Oui, complètement. Ouais. Un autre qui, lui, on l'avait presque oublié. En tout cas, on ne le considérait plus vraiment comme une force, même s'il était à l'époque dans une équipe qu'on pourrait dire assez pleine de frappeurs importants. C'est le bon vieux Chase Headley, qui depuis sa résurgence avec San Diego à l'époque, grosse saison de 100 points produits et tout ça, a vogué tranquillement chez les Yankees, sans rien tout casser, mais en non plus pas avec des statistiques tout à fait correctes. Oui. Et là, il y a un début de saison absurde. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. En tout cas, il a dominé au niveau des points produits pendant les deux premières semaines. Et il est aussi sur un OPS qui est presque autour de 1200. Chase Headley, est-ce qu'il y a fontaine de jouvence? Qu'est-ce qui arrive? Oh non, moi, j'y crois pas. Mm-hmm. Je crois qu'il va revenir au bon vieux Chase Headley qu'on connaît depuis quelques années, c'est-à-dire un joueur tout à fait honnête, mais... qui ne fera pas une énorme différence statistiquement parlant. Je pense que c'est simplement un bon début de saison. Honnêtement, j'arrive pas à l'expliquer vraiment différemment que ça. Mm-hmm. Je pense pas qu'à son âge, on puisse retrouver là, une fontaine de jouvence. Peut-être une meilleure saison, ouais. Oui, que mm-hmm. les deux, trois années passées. Mais non, pas à ce rythme-là, c'est complètement absurde. Non, et si on a peut-être chez Zedé dans un pool, ce serait peut-être bien de le vendre rapidement, on ne sait jamais, sans dire que vos adversaires sont moins, je dirais, à l'affût de ce qui se passe. Peut-être que quelqu'un pourrait acheter sur chez Zedé. Oui, mais j'en doute. Parce que moi aussi, mais j'en doute parce qu'on le connaît. Ouais. À moins que, bon, on ait cherché vraiment quelqu'un de désespéré, un adversaire désespéré dans un pool. Mais Chase Edley, honnêtement, je pense que tout le monde qui joue un tant soit peu à des pools vont avoir la même réflexion qu'on vient d'avoir. Oui, il va terminer probablement même en deçà de ce que des gars comme Nick Castellanos peuvent faire. Oui. Puis bon. Sinon, il y a un autre bon vieux qui revient, par exemple. Il a toujours été considéré, mais les blessures l'ont totalement ralenti. Pour même l'amener à un stade l'an passé, on pourrait le considérer dans les moins bons joueurs du baseball, c'est Ryan Zimmerman, qui était une vedette au départ lorsque les Nationals se sont installés à Washington, et qui maintenant, cette année, en tout cas depuis le début de la saison, est un leader dans son équipe, et pour un gars qui n'était plus capable de frapper l'an passé, c'est assez exceptionnel. Ben, oui, c'est exceptionnel, mais est-ce que c'est si surprenant que ça? Peut-être pas. Un, il est très bien entouré. Je pense qu'il y a un très bel alignement. Donc ça va l'aider. Il y a des gens sur les buts là, sans arrêt lorsqu'il arrive au bâton. C'est ça. Et il n'est pas si vieux que ça. Non, il n'y a pas 38 ans. Là. Non, c'est ça. Donc, je pense qu'on est en droit de s'attendre à une bonne saison. Maintenant, pas nécessairement, encore une fois, pas nécessairement sur le rythme qu'il a en ce moment. Et il y a toujours le risque des blessures qui, dans son cas, peuvent arriver rapidement. En tout cas, au moins, en défensive, là, maintenant, un peu comme Eric Thames, il est bien caché, comme j'appelle, au premier but. C'est un peu la mode, maintenant, dans le baseball majeur. On cache, disons, les joueurs qui ont un peu discuté à jouer en défensive au premier but. Et, bon, pour lui, les déboires en défensive des deux dernières années, parce que, bon, il était de moins en moins mobile, ça devrait ne pas trop se présenter. Alors, il devrait garder son poste toute l'année, puis il n'y a pas de raison. Jason Wirtz devrait sauter avant lui, je pense. Oui, oui, oui. Mais en fait, s'il n'y a pas de blessure, je pense qu'il va donner des chiffres très, très, très honnêtes. Peut-être pas les chiffres qu'on espère d'un premier but, mais des bons chiffres qui ne vous feraient pas trop mal dans un pool. Mais il va certainement être plus utile sur le terrain à Washington que dans votre pool, puisque, comme premier but, Ryan Zimmerman, c'est un peu une solution de rechange. Là. Il ne faudrait pas qu'on ait ça comme premier but dans notre équipe, surtout dans les pôles à 12, là, parce qu'on risque de ne pas faire bon feu. C'est ça. Steven Souza, on l'aime bien depuis longtemps parce qu'il semblait être une recrue pleine d'espoir, mais des gros problèmes, entre autres, à juger la balle, l'amener à des moyennes presque autour de la Mendoza Line dans les dernières années. Et là, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est devenu quelqu'un des gars les plus patients du baseball au début de saison, et ça donne vraiment des bons résultats. Oui, ben, je pense que c'est le joueur type de ce qu'on appelle un late bloomer. Il n'est pas si vieux que ça pourtant. Hein? Ça fait trois ans, ouais, c'est ça qu'il joue vraiment. Ouais. Mais c'est un late bloomer par rapport à ce qu'on attendait de lui, je dirais, au moment où il est arrivé. Mais en même temps, si on regarde ses dernières saisons, il y a quand même une progression constante. Alors, peut-être que je suis surpris de l'ampleur de ses chiffres actuellement, mais je ne suis pas surpris de le voir devenir un excellent joueur de baseball. Est-ce qu'on pourrait considérer Steven Souza comme vraiment une solution au champ, entre autres dans les poules cette année? Il est certain qu'à Tampa Bay, moi je l'adore parce que si vous l'avez déjà vu jouer, vous allez voir que le bras est superbe et ses déplacements sont extraordinaires dans le champ. Donc, avec Kiermaier, il n'y a rien qui tombe. Sauf que dans l'épaule, il nous a toujours déçus, en tout cas, parce qu'on peut voir des bons moments, mais il finit toujours par arriver à une moyenne à 2,20, 2,30, et puis ça un peu gaspille un peu tout le reste de sa saison. Est-ce qu'il va garder ça? Mais moi, je serais malhonnête de dire non, parce que ça fait les deux dernières années, je le prenais qu'il débloque. Et cette année, je ne l'ai pas pris. Et c'est cette année qu'il a l'air de vouloir débloquer. Mais si je suis cohérent avec moi-même des dernières années, oui, je pense que oui. Je pense que c'est simplement un bon jeune joueur qui aura pris un ou deux ans de plus que les autres à tout mettre ensemble. Mm-hmm. Mais pourquoi pas, ça ne serait pas le premier à réussir à le faire. Comme deux derniers frappeurs dans le top 10 des majeurs présentement, on a quelqu'un qui est là depuis un petit bout et une recrue. Tout d'abord, la recrue, ben, c'est Mitch Haniger. Si vous avez écouté le mini base call là, il n'y a pas si longtemps, je proposais d'aller chercher s'il est encore disponible dans vos pools. Mais si on regarde dans la vraie vie, là, dans l'équipe de Seattle, qui comporte une tonne de bons frappeurs, Mitch Haniger est presque le meilleur jusqu'au début d'année. Pour l'instant, oui. C'est extrêmement surprenant, c'est une recrue. Puis, et il frappe parfois même au-delà du sixième rang. Moi, ce que j'avais lu avant le début de la saison et dans les petites recherches que j'avais faites, c'est que bon, ça a toujours été considéré comme un prospect intéressant, mais il y avait des problèmes avec son élan, etc. Et là, à Seattle, on a comme réinventé son élan et ça a l'air de porter fruit. Maintenant, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour se prononcer parce que les lanceurs n'ont pas encore eu l'occasion de s'ajuster. Alors, moi, je pense qu'il faut attendre avant de juger le deuxième tour de ligue, quand, mm-hmm. Quand il jouera pour la deuxième fois contre les équipes. Et aussi, il n'apporte pas tant de choses que ça, autre qu'un meilleur swing qu'il mm-hmm. avait. Donc, ça reste un joueur relativement limité dans ce qu'il peut apporter. Alors, pour moi, c'est un bon exemple que d'un jeune joueur que je vendrais dans mon pot. OK. Ouais. Bon, c'est bien ça. Et on passe à un gars que, en tout cas, de mon côté, là, j'y crois pas, comme l'équipe dans laquelle il joue, mais qui sont vraiment bien partis cette année. C'est Zach Causer à l'arrêt court, qui a toujours été un des délaissés là, dans les années précédentes. Quelqu'un qui peut vous faire plus mal qu'autre chose dans un pool et qui, malgré un bon gant, même sur un terrain de baseball, là, était vraiment un joueur extrêmement médiocre. Là. C'est passable, en tout cas. Wow. Et là, cette année, il va vraiment bien. En tout cas, le début de saison est solide, surtout du côté de la moyenne. On ne peut pas s'attendre à de la puissance de Zach Causer, mais là, la moyenne, la présence sur les buts, on dirait qu'il a allumé quelque chose à Cincinnati depuis le début de la saison. Ça a été un peu sous... Ben, en fait, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance, je suis tout à fait d'accord avec toi, Louis. Mais à chaque fois, aux trois quarts de l'année, si tu vas regarder qu'est-ce que fait Zach Causer parce que ton arrêt court s'est blessé dans ton pool, tu vas t'apercevoir que c'est un des arrêts courts disponibles qui a le plus de coups de circuit. Mais pas assez pour que ça fasse une différence. Regarde, j'y crois pas du tout. Mais est-ce que les Reds sont bien partis, par exemple? Si Zach Causer se calme, est-ce que les Reds vont finir à un autre endroit que l'avant ou la dernière place de la division centrale de la Nationale? Non, je pense pas. Non, hein, ça va rester quand même ce qu'on s'attend. Oui. Mais les bons jeunes, entre autres, on parlera de ça tout à l'heure. Ils ont quand même une équipe pas si inintéressante que ça, mais non, ils sont loin de pouvoir compétitionner. Mais là, avec la blessure de Marte, la suspension de Marte, Pittsburgh est peut-être à portée de main si leurs lanceurs ne prennent pas le dessus. Milwaukee est quand même pas si impressionnant que ça. Fait que Cincinnati va jouer là. Parfait. Maintenant, allons voir du côté des lanceurs. On a fait le tour des frappeurs intrigants et impressionnants depuis le début de l'année. On a quatre partants. Un dont on avait déjà parlé. Est-ce que c'est une surprise? Peut-être pas, mais il est vraiment bien lancé. C'est James Paxton qui avait été abandonné depuis plusieurs années, ne serait-ce qu'au moins les deux dernières années où il a combattu le plus, il a travaillé pour revenir premièrement de son opération et il sort toutes sortes de blessures. Et là, on dirait qu'il est au complet pour une des premières fois de sa carrière. Oui, ben en fait, tous les deux, on est en amour avec James Paxton. Oui. Moi, ça fait depuis son entrée dans le baseball que dès la première fois que je l'ai vu lancer, je suis tombé en amour avec lui. Un grand gaucher, une balle de feu. Il y a tout. Il a été malchanceux, beaucoup de blessures. Alors moi, je ne suis absolument pas surpris de le voir fonctionner cette année. Je tenais à l'avoir dans toutes mes équipes de fantasy baseball. Mm-hmm. Je ne suis pas surpris. Par contre, je pense qu'avec son historique de blessures, même s'il ne se blesse pas cette année, je crains que quand il aura atteint 120-130 manches lancées, qu'il y ait une baisse de régime. Mm-hmm. Et là, ça serait vraiment surveillé. C'est-à-dire que, bon, pour le début de saison, on sait que Seattle déçoit un peu. C'est peut-être justement à cause de tous les autres joueurs à part James Paxton, mais on pourrait regarder s'il commence tranquillement à avoir autoir du 15e départ, avoir une baisse de régime, 2-3 départs de suite où on voit entre autres des frappeurs frapper de la longue balle contre lui et tout ça. Ce sera peut-être le temps, même s'il a des bonnes statistiques, de le vendre ou d'essayer de le passer avant qu'il soit trop tard. Ouais. Mais là, début de saison exceptionnel, si on enlève son mauvais départ de cette semaine, il était parfait jusqu'à maintenant ou presque en 3 matchs. Aucun point. Il était un peu comme Chris Sale et Syndergaard, un peu dans la même lignée, et c'est pas peu dire. Du côté des Royals, on se demandait qui allait bien lancer comme partant. On se doutait que Duffy allait faire un très bon travail. Mm-hmm. Mais là, Jason Vargas, qui arrive, bon, je dirais pas de n'importe où parce qu'on le connaît, mais toujours été assez médiocre comme lanceur. Oui. Et là, tout à coup, là, il s'avère être, depuis le début de l'année, le quatrième meilleur partant des majeurs. C'est quelque chose. Bon, moi, j'y crois pas, toi. Est-ce que non, crois? Non, alors tout. On va passer au prochain nom. Parfait. Non, mais on peut presque le skipper, comme on dirait. Cependant, on fait quoi avec ça si on a pris ça dans un pool un peu de façon désespérée, mais que là, on a comme l'impression qu'il peut nous donner quelque chose de bon. Ben, est-ce qu'il faudrait... Battre le fer quand il est chaud. Puis après ça, on renvoie ça sur le balotage ou on essaie de le passer. Un throw-in dans un trade. On essaie, mais excellent. J'y crois pas vraiment. Bon, ben bonsoir, Jason Vargas. Le prochain, je pense qu'on a le droit d'y croire si on veut, c'est Dylan Bundy, qui, comme on en avait parlé au début de saison, on s'attendait à quelque chose de bien intéressant, mais là, il est quand même au-delà de ce qu'on avait pu espérer. Il est dominant. Et oui, il est dominant. Alors, est-ce que vraiment, s'il peut faire une grosse différence chez les Orioles, surtout dans cette division-là, pour un bon bout pendant l'année? Il va être assez solide pour ça? Je pense que oui, mais en fait, pour moi, c'est presque une copie conforme de James Paxton. Non, pas une copie conforme, parce que Paxton, ça fait quand même déjà 3-4 ans qu'on l'attend. Oui, oui, oui. Bundy, c'est un peu plus récent, mais c'est un peu le même historique, c'est-à-dire que c'est un vrai bon prospect qui a été repêché haut, on s'attendait à de grandes choses de lui, il a été blessé, et il revient. Donc, c'est pas un sans-talent qui produit, c'est un gars qui a du talent. Moi, je m'attends grosso modo à la même chose, je pense qu'il va être très bon, moins que Paxton, mais il va être très bon, et il va s'essouffler autour de 100 manches lancées. Ben, peut-être que, de toute façon, il est à prévoir que les Orioles auront, puis connaissant Monsieur Baseball, Buck Showalter, auront un pitch count, comme on appelle, donc une limite de lancer, une idée de manche, surtout pour lui cette année, qui devrait être autour de 140 probablement. C'est ce que je pense. Donc, il faut le regarder, être assez conscient, mais pendant qu'il aide les Orioles, ben, l'équipe est partie pour la gloire, et puis toutes ces victoires-là vont peut-être, à la fin de l'année, même avec un potentiel d'essoufflement, s'approcher d'un meilleur deuxième. Oui, je pense que oui. Surprenant, parce que là, Toronto, bon, j'avais peut-être fait l'erreur de les placer un peu trop haut, parce que l'historique voulant, mais c'est assez évident là, que Toronto s'en va nulle part. Là. Non, je crois que non. Et dans le cas de Dylan Bundy, ce que tu mentionnes sur le pitch count, ça peut même vous aider à aller chercher de très bons chiffres. C'est-à-dire, s'il est limité à 6 manches par départ, ben, il peut vous donner une quantité de départs assez impressionnant. Avec un point mérité, deux, et d'autant plus que Baltimore a une très bonne relève. Même avec le meilleur releveur presque des majeurs blessé pour une période pas encore bien déterminée, mais avec Brad Brack et tout ça, on en parlera tantôt, ils peuvent venir fermer la porte. Alors, Dylan Bundy, même s'il est limité à une centaine de lancers par départ et peut-être 30 départs dans l'année, ben il peut quand même vous donner 15 victoires et de très très bons chiffres intéressants. Bon, on regarde ça. Et puis, notre dernier, j'étais très surpris de voir le type de contrat qu'il a réussi à aller chercher, sachant qu'il aurait le poste de cinquième partant avec les Cardinals de Saint-Louis. Mais là, Mike Leake fait plus que le travail. On est habitué à Mike Leake qui fait le travail, en plus d'un bon coup de bâton, surprenamment, pour un lanceur. Et là, il va très, très bien depuis le début de l'année en 3 départs. Il ne faut pas trop s'énerver. Mais on fait quoi avec Mike Leake? Est-ce qu'on pense qu'il va aller au-delà de ce qu'il peut faire ou il va revenir à... on peut pas dire une médiocrité, mais une normalité de Mike Leake. Bon, en fait, c'est un bon 10-10, là. C'est un classique 10 victoires, 10 défaites. Et je pense qu'il va y revenir. Parce qu'il n'a pas assez à offrir, je pense, comme lanceur, tout simplement. Faut pas chercher plus loin. À ma connaissance, il n'a pas développé de nouveaux lancers. Non. Il n'a pas. Donc, son équipe n'est pas meilleure qu'elle était derrière lui. Donc, non, moi, je pense qu'il va revenir à ce qu'il était. Mais il profite, comme tous les lanceurs de Saint-Louis, qu'ils aient un grand talent ou non, d'un excellent receveur, que je déteste en passant. Pour moi, c'est vraiment un individu exécrable, mais il fait un méchant travail derrière le marbre, et il l'a fait avec bien d'autres avant lui, que ce soit justement Jimmy Garcia, qui est maintenant, qui ont réussi à renvoyer du côté d'Atlanta, Lance Lynn, qui... avec des lancers assez approximatifs, a fait 2 super bonnes années et là, peut-être, est revenu en puissance. Alors, il peut faire encore un bout de chemin, en autant que Molina est avec lui et qu'il peut faire un bon bout de chemin. Mais je crois que Mike Leake, de toute façon, est là en attendant que Luke Weaver ou Reyes Soit prêt. Ouais, exactement. Donc, voilà. J'oserais même dire que, bon, on sait que même des gars comme Lance Lynn sont peut-être là en attendant que ces gars-là soient prêts. Oui, tu as tout à fait raison. Le premier qui devrait sauter, c'est Mike Leake. Malheureusement, avec son très gros contrat, il ne pourra pas aller à l'endroit qui est prédestiné pour lui, c'est-à-dire Oakland. mais je pense qu'il pourrait très bien aider Oakland avec une très bonne fiche là, de 6-14, quelque chose comme ça. Maintenant, nos releveurs, pour terminer notre bloc, il y en a un peu plus parce qu'on est toujours plus surpris par les releveurs. À chaque année, c'est normal. Et ils ont tendance à se blesser à une vitesse assez rapide cette année. C'est ça quand tu lances le plus fort que tu peux sur chaque lancer. À un moment donné, l'épaule va défaire. Ouais. Revenons à celui qui fait vraiment parler de lui, mais depuis l'année passée. Mais là, il est en train de prouver qu'on n'était pas du tout dans quelque chose d'éphémère. C'est Chris Devinsky avec les Astros, qui pourtant n'obtiendra pas de sauvegarde, n'est même pas dans les lanceurs de dernière manche à Houston, mais il est extraordinaire à chaque fois qu'il sort. Oui, puis c'est comme tu le dis toi-même, c'est pas tout à fait une surprise, parce que l'année passée, il avait déjà commencé à montrer tout son talent, et il continue. Et il a une bonne équipe, il est bien entouré. Je pense que son entraîneur a trouvé la façon parfaite de l'utiliser. Peut-être que ça le cache aussi. Peut-être qu'on découvrirait d'autres choses qu'on est mieux de pas découvrir s'il jouait dans des situations corsées. Ouais. Mais pour l'instant, écoutez, tout ce qu'il donne est bien. Non, c'est moi j'y crois. Il lance bien. Voilà. D'ailleurs, la semaine dernière, remontée exceptionnelle des Astros, clairement due à Chris Devinsky qui est arrivé et a lancé deux manches et demie, 7 retraits au bâton, un seul coup sûr. Et pendant ce temps-là, Houston a grugé tranquillement et ils sont arrivés à la fin. Il n'y avait plus qu'à sortir le stopper. C'était terminé. Alors, c'est une des raisons aussi pourquoi Houston est premier dans une division avec des équipes qui déçoivent, mais quand même, il y a beaucoup de compétition dans l'Ouest américaine. Et là, ils sont clairement premiers. Et puis, ça, on dirait que ça ne va pas nécessairement arrêter. Et c'est peut-être, on assiste peut-être avec l'utilisation de Chris Devinsky à une autre manifestation de la nouvelle tendance d'utiliser des releveurs. Peut-être que là, il est bon, il a assez d'endurance pour qu'il puisse affronter une fois chaque frappeur de l'alignement. Alors, on va peut-être assister à la naissance d'un nouveau type de lanceur aussi, des lanceurs de mi-partie qui sont capables de faire deux manches, trois manches. Mm. Qui sait? Je dis ça à tout hasard. Et peut-être qu'on arrivera éventuellement à la solution extrêmement pragmatique d'un gars que j'aime beaucoup, Brian Kenny, qui, lui, vante l'idée qu'on devrait tout simplement commencer les matchs avec des gens qui lancent deux à trois manches sans coup sûr ou presque. Là. Et ensuite, on y va avec un lanceur de longue haleine qui, lui, va vraiment terminer le match. Alors, on prend le momentum dès le départ et on arrête de sauvegarder notre meilleur lanceur pour les moments au cas où on prenne l'avance. Et dans la plupart des cas, il ne lancera pas. Mm-hmm. Alors, on va se retrouver comme les Baltimore se retrouvaient l'an passé lors du match éliminatoire, ou comme dans certains cas, même en série mondiale, on a vu des équipes ne pas utiliser tous leurs releveurs, comme Hector Rondon, Pedro Strop, qu'on n'a presque pas vu à Chicago. Et c'est pourtant des forces. Cam Bedrosian, lui, on en avait parlé comme ayant une balle rapide exceptionnelle. On l'avait pas automatiquement étiqueté sauveteur. Il n'était pas là pour stopper les matchs avec les Angels, mais c'est ce qui se passe. Ben, en fait, moi, je pense que les Angels doivent, c'est triste à dire, mais presque être heureux que Houston Street soit blessé. Parce que Cam Bedrosian, c'était, le stopper dans l'aile, en devenir, qui attendait, et il est prêt encore plus vite qu'il croyait, je pense, et dans le fond que Houston Street est rendu un peu superflu, je pense que lui, il vient de s'installer comme le stopper des Angels d'Anaheim, et il va le rester, de Los Angeles, hein? et dans un pool, on garde ça, c'est clair, ce gars-là, il va aller jusqu'à la fin de la... Moi, j'avais prédit que peut-être même les Angels pourraient jouer autour de 500, ce qui fait quand même beaucoup de parties à sauvegarder. Si on regarde, disons, qu'un gars comme AJ Ramos peut faire avec 40 parties sauvegardées avec les Marlins, qui vont jouer pour 500, c'est un peu la même chose qu'il va faire cette année qu'à Bellosian. Un excellent lanceur, mais qui maintenant doit prendre le haut du pavé. Peut-être qu'éventuellement, malheureusement, ça va l'obliger à quitter les Orioles parce qu'il va coûter trop cher bientôt. Mais Brad Brack, qui depuis 2 ans est magistral, mais toujours derrière. Avant, c'était Darren O'Day. Et Zach Britton, maintenant blessé, il prend la place. Et là, c'est à lui à finir les matchs en autant que Zach Britton ne revienne pas. Et il pourrait le faire toute la saison sans aucun problème. Ouais. Sans aucun problème. Il aurait sa place, mais en même temps, bon, une équipe qui veut aspirer à gagner quelque chose n'a jamais trop de ce genre de lanceur-là. Je pense que l'histoire récente du baseball nous le montre bien. Là. 2-3 releveurs de premier plan. C'est la recette gagnante. Mm-hmm. Et c'est ça, ils l'ont à Baltimore. Ils ont peut-être pas le reste d'équipe, mais ça, ils l'ont. Oui. Ils ont les circuits et la relève. Les circuits et la relève, ça, c'est clair. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Lui, si c'est pas Britton qui va partir ou qui demeure blessé, ben c'est Brad Brock qui va demander à être échangé, tout simplement. Éventuellement. Ils peuvent le garder encore cette année, peut-être l'autre, mais ça fera comme Matt Bush à Texas. C'est un peu le Matt Bush des Orioles, finalement. Oui. C'est ça. Deux là qui vraiment arrivent complètement de n'importe où pour se retrouver sur cette liste des 5 meilleurs, même releveurs des majeurs. Le fameux José Leclerc avec les Rangers, et on reviendra à celui des Dodgers, Ron Stripling, après. José Leclerc, lui, arrive de n'importe où, tout le monde se blesse, ou en tout cas décide de se blesser avec Texas, c'est l'hécatombe totale, il reste un Matt Bush un peu amoché, et finalement, ce José Leclerc-là, qui là, bon, on lui fait confiance, il va lancer des manches qu'il n'est pas supposé lancer, mais il répond, puis il fait le travail. Oui. J'ai rien à dire. Sur José Leclerc, non. Il sort tellement de n'importe où que je le connaissais pas. Mm-hmm. Je ne l'ai jamais vu lancer. Faut dire que c'est bon, c'est le début de l'année. J'ai pas encore eu l'occasion de voir toutes les équipes à l'œuvre. Mais non, je peux absolument pas me prononcer. Il sort vraiment de nulle part. Même au camp d'entraînement, je faisais le tour des alignements. C'est pas quelqu'un que je regardais ou que je cherchais à aller chercher de l'information. Pour moi, c'est une surprise totale. Quoi faire avec? Bon, écoutez, honnêtement, je pense que vous ne l'avez même pas dans votre pool. Ouais, il y a des chances. À part moi, là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire parce que j'avais tellement des mauvais releveurs dans un pool que je suis allé le chercher. Oui. Sauf que je pense que ce qui est intéressant avec José Leclerc, c'est qu'il a assurément le répertoire pour être un bon releveur. C'est quelqu'un qui peut aussi faire un excellent travail de troisième ou quatrième releveur, donc ne pas nécessairement venir à tous les matchs et pas toujours venir appuyer lorsqu'on est en avance. Et moi, je le vois, son rôle devrait être avec les Rangers comme étant le lanceur qu'on peut sortir lorsqu'il y a égalité en 8e, là, égalité en 9e ou même dans les manches supplémentaires. Mais là, il est plus, victime ou une heureuse victime de la situation là-bas. Et dès que les gens vont revenir, ça reviendra à leur normal. Et bon, je ne dis pas qu'il va être mauvais, mais il va redescendre tranquillement dans l'intérêt de la majorité comme un releveur qui, malheureusement, peut passer très inaperçu pour le commun des mortels. Ron Stripling, par exemple, avait pas été nécessairement mauvais les fois où on l'avait vu précédemment, mais avait pas été non plus quelqu'un qu'on considère pour le match des étoiles. Et là, il est solide, il fait ses manches, et puis il a une excellente moyenne de retrait au bâton par 9 manches qu'il n'avait pas nécessairement avant. Donc, Ron Stripling, on fait quoi avec les Dodgers? On dirait qu'ils inventent toujours des lanceurs qui arrivent de nulle part pour relever Cam. Ouais, mais là, c'est vraiment la blessure à Grant Dayton qui a déclenché Ron Stripling. Mais Ross Stripling, moi, je l'ai eu sur mon radar un peu l'an passé parce que, bon, il avait eu de bons... il y avait eu de bons suivis par les spécialistes des prospects à travers l'Amérique du Nord. Je le regardais un peu. Je l'ai vu lancer un peu avec les Dodgers l'an passé. Il est pas mauvais. Je dirais le problème actuellement qui fait qu'on ne sait pas trop quoi en faire, c'est qu'il n'a pas de rôle très bien défini. On ne sait pas encore si c'est vraiment partant, à la limite, et, ou un releveur. Ouais. Parce qu'il y a eu un ou deux départs, je crois, l'an passé. Là, il est releveur cette année. Il n'a pas un rôle prédominant de 8e manche ou de 9e manche. Je pense que les Dodgers sont tout simplement en train de le faire maturer et qu'eux-mêmes vont peut-être découvrir est-ce un releveur ou un partant. Alors, pour l'instant, moi, je n'y toucherai pas, mais je le garderai à l'œil. Et comme dans l'historique des Dodgers, ce qu'ils nous ont prouvé avec le temps, c'est qu'ils peuvent aussi vouloir le montrer dans l'idée de l'échanger éventuellement, parce qu'il n'y a aucun problème pour les Dodgers d'échanger des bons jeunes lanceurs. Ils vont en avoir d'autres l'an prochain. Et puis bon, José de Leon est parti. Il y en aura d'autres aussi qui sont bourrés de talent qui vont partir. Nos deux derniers releveurs, et puis les derniers pour ce bloc-ci, il y en a un qu'on commençait à connaître l'an passé et qui là, bon, heureusement, malheureuse victime des circonstances, obtient des sauvetages avec les Brewers, qui vont très bien. C'est Corinne Nebel et sa balle rapide exceptionnelle. L'an passé, il avait déjà une excellente moyenne de retrait au bâton par manche. C'est quelqu'un qui dominait les frappeurs, mais qui malheureusement avait peut-être la difficulté à rester concentré ou en tout cas à effectuer les bons lancers à chaque fois. Il commettait des erreurs et ça se terminait parfois en circuit ou en points donnés. Il avait une grosse moyenne de points mérités, mais était quand même utile. Et là, cette année, on dirait, bon, il s'est dit, on va arrêter ça, là, on va fermer les écoutiers et on va lancer au maximum. Et là, il est stoppeur avec les Brewers, ça se passe très bien. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le regarder, mais oui, je l'aime bien. Je l'ai vu à deux ou trois reprises. D'ailleurs, l'avantage, récemment, ils ont joué donc, contre les Blue Jays de Toronto, mais on l'a vu à l'œuvre. Le seul bémol que j'ai, c'est pas sur son talent. Je pense qu'il faut le garder à l'œil et peut-être même l'avoir dans son équipe, dans un pool en réserve, parce que je pense que les Brewers ont encore tout intérêt à laisser Neftali Feliz être le sauveur, parce que ça peut devenir une très bonne monnaie de transaction, parce qu'eux autres sont en reconstruction encore, ils bâtissent sur des jeunes, donc ils ont tout intérêt à vanter Neftali Feliz pour pouvoir en retirer le plus possible dans une transaction, et après là, ils ne seront pas trop tard pour amener Corick Noble comme sauveur à vraiment à temps plein. Donc c'est pour ça que moi je ne sauterai pas sur lui, mais c'est sûr que je le suis de près. Moi j'irai le chercher si on a dans son pool quelque chose d'autre que des sauvetages. Alors, oui. Si on a la fameuse statistique des hold ou les saves avec hold, là, ça peut devenir intéressant. Mais il est clair qu'on peut l'amener trop tôt aussi dans des situations importantes et il ne faudrait pas l'échapper comme on dirait qu'à Oakland, on est en train d'échapper à une copie un peu de ce lanceur-là qui s'appelle Ryan Dahl, que j'aime beaucoup. Et à Oakland, on l'a amené tout de suite dans des grosses situations. Il n'a pas bien répondu et là, j'espère qu'il n'est pas en train de se perdre dans le money ball en quelque part. Et d'autant plus, on va le retrouver dans 4 ans avec une autre équipe. Oui. Mais d'autant plus que Milwaukee n'accumulera pas les victoires à un rythme incroyable. Exact. Le dernier, mais non le moindre, quelqu'un d'extrêmement dominant, on peut dire, un participant au match des étoiles avant sa blessure, il est parti très longtemps, il est revenu avec un gros point d'interrogation, mais il semble qu'il soit revenu solide et fort, c'est Greg Holland, l'ancien stoppeur des Royals de Kansas City, lors de leur première présence en série mondiale, s'est blessé, a laissé la place là-bas à Whit Davis, on sait ce qui est arrivé, ils ont gagné la série mondiale, mais Greg Holland est parti pour 2 ans, avec une épaule finie, un coude à refaire. Et là, il revenait avec les Rockies, une équipe surprenante, mais un peu aussi grâce à ce qui se passe au Monticule. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours aimé Greg Holland. Et ben là, écoutez, non, le talent ne nous surprend pas. On le sait. La question, c'était, va-t-il revenir un jour correctement de ses blessures? Et la réponse est oui. Mais à ce moment-là, tant et aussi longtemps qu'il ne se reblesse pas, il n'y a aucune raison pour que ses chiffres ne soient pas du calibre qu'ils aient là. Il était un des 3 ou 4 meilleurs releveurs du baseball avant de se blesser. Donc, voilà. Moi, où je ferais attention, peut-être, et c'est peut-être plus une question de l'équipe des Rockies qu'un pool, c'est que je pense que Greg Holland, pour l'instant, s'est bien sauvé, je dirais, de la pression atmosphérique du Colorado. J'aimerais pas que sa balle rapide commence à perdre quelques milles pendant l'année, puisque la fatigue va se faire sentir et que là, les circuits, les balles commencent à sortir. Là, il pourrait peut-être avoir un petit peu, la confiance pourrait baisser. À ce compte-là, on pourrait voir le retour d'Adam Ottavino, que moi, je trouve exceptionnel. J'oserais peut-être dire aussi bon que Holland et qui est certainement le lanceur de relève du futur pour les Rockies. Alors là, on pourra peut-être voir un petit changement de garde à ce moment-là, mais tant qu'il est en poste et que ça va bien comme ça, il n'y a aucune raison de s'en faire. En tout cas, pour l'instant, si vous l'avez dans votre pool, ça va très bien. Sinon, allez donc le chercher vite fait pour au moins jusqu'au match des étoiles et après, on verra ce qu'on fait avec ça. Mais les Rockies, en fait, c'est intéressant pour eux parce que c'est, moi, de mémoire d'homme, c'est une des premières fois que les Rockies ont vraiment 2 très bons releveurs en fin de match. Et ça peut jouer. Moi, je l'avais dit au premier base call, je ne serais pas surpris, moi, de voir les Rockies se battre à tout le moins dans la course du meilleur deuxième jusqu'au mois d'août, peut-être même septembre. Ils ont de très bons joueurs, ils ont des bons releveurs en fin de match, ils ont quelques bons partants, et Greg Allen fait partie de ce, est un des morceaux de ce casse-tête-là. Donc, on a fait le tour, j'espère que ça vous a éclairé un tout petit peu, on continue à suivre ces joueurs-là, et bien d'autres, puisque dans un mois, ces classements-là des 10 meilleurs dans chaque catégorie risquent d'avoir changé. On va sûrement avoir Mike Trout et Freddie Freeman et Bryce Harper dans le top, comme d'habitude, mais il y aura d'autres joueurs qui auront pris la place. Alors, on se laisse quelques instants, un tout petit peu de musique, et on revient avec notre portion discussion, et on a trois beaux sujets pour vous autres. À tout à l'heure. Deuxième section ce mois-ci dans la catégorie des sujets. On aime bien garder un peu de temps en plein milieu de notre podcast pour parler de quelques sujets qui valent la peine d'être mis sur la table. Le sujet qui nous a un peu fait sursauter cette semaine, probablement parce qu'on n'était pas trop intéressé à voir ça arriver si tôt, c'est la suspension de Marté de Pittsburgh, qui vraiment 80 matchs pour dopage. Un athlète qui, pourtant, n'avait pas le physique de l'emploi, quoique on se demandait comment fait-il pour tout faire ça bien. De tester positif et d'être sorti 80 matchs, moi, j'y m'attendais pas, puis c'est très déçu. Ben moi, dans le cas de Marté, en fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est On n'a plus de référent visuel pour condamner par avance des joueurs de prendre la drogue. Avant, on le savait, là, c'était les gros bras. Ouais, puis c'était 40 livres de plus en 3 ans. Exactement. Et là, soudainement, avec Dee Gordon, Starlin Marte, ça commence à être des athlètes complets. Ryan Brown, ça commence à être des athlètes complets qui ne sont pas des monstres de muscles, transformation, exactement. Des montagnes de muscles. Et là, moi, ça me fait peur, ça, parce que ça me dit, OK, est-ce qu'il va falloir que je commence à douter de tous les athlètes? Et ça, moi, c'est ça que j'ai pas envie. Et c'est ça qui me fait mal de cette suspension-là. Ouais, ben, ce qui est pas évident, c'était de dire auparavant, d'avoir des idées préconçues sur qui nécessairement était dopé et où il ne l'était pas. Que ce soit clair que des gens comme peut-être Barry Bonds et Roger Clemens et d'autres comme Rafael Palmeiro étant en tête de liste, ça n'empêchait pas des gens comme Mark Carrion et des gars comme ça d'être aussi dopés que les grandes vedettes. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir un build, entre guillemets, excusez l'anglicisme, physique, qui ressemblait à quelqu'un de dopé. C'est plus aussi évident. On pourrait dire d'entrée de jeu, Chris Davis, évidemment, il y a eu sa suspension. On pourrait dire d'entrée de jeu, Kyle Schwarber, finalement, est peut-être dopé, mais c'est pas aussi évident parce que là, on voit des gens comme Marte et Dee Gordon l'an passé vraiment arriver à être surpris par le baseball et puis se faire indiquer la porte de sortie pour un bon bout. Et c'est triste, parce que moi, j'étais en amour avec le trio de voltigeurs des Pirates de Pittsburgh, Marte, McCutchen et Polanco. Et Marte, même, c'était un de mes joueurs préférés dans le baseball, parce qu'il faisait tout bien sur un terrain, mais rien avec... Il n'y avait rien de disproportionné dans ce qu'il faisait. Exact. On n'avait pas les chiffres de Mike Trout, ou c'est ça. Voilà. Et donc, moi, je suis en amour avec ce genre de joueur-là, et là, ce que j'apprends que, ben non, c'est des drogues. Oui, oui. Ouch. Ben oui, c'est vraiment dommage, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre présentement. On verra comment les Pirates vont se relever de ça. Ça donnera peut-être du temps à Bell pour vraiment, Josh Bell, de prendre sa place et de montrer une puissance exceptionnelle. C'est déjà, il y a 2 jours, un circuit au champ centre extraordinaire, mais évidemment, il faut qu'il apprenne à frapper la balle sur le nez comme il faut. Alors, il faut qu'il travaille son nez au bâton, mais il va prendre la place, en tout cas pour l'instant. Et c'est le retour de mon Moneyball préféré. préféré. Coéquipier exceptionnel, une chevelure de grande classe. Jason Jesus qui revient au premier but avec Pittsburgh. Et là, on pourra le revoir dans toute sa splendeur de frappeur de 300 avec deux circuits dans la fin de l'année. Ça nous manquait. Oui, de la saveur, c'est toujours intéressant. Maintenant, deuxième sujet qui, moi, m'interpelle un peu. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer si vous suivez le baseball assez intensément, mais du côté de la Ligue nationale, évidemment de la MLB, de tous les chercheurs qui tentent de nous amener vers des statistiques avancées puis la compréhension un peu plus complexe du sport, on a montré pour la première fois depuis quelques temps le nouvel outil qui permet de retracer exactement la course, la vitesse, la distance des voltigeurs surtout, lors d'attraper. Et ce qui complète un peu les données statistiques et les statistiques avancées, la capacité à attraper telle ou telle claque dans le champ. Et ça nous donne vraiment un pourcentage de réussite de chaque attrapé. Et qui est scientifiquement quand même assez près. Et ça, c'est calculé évidemment en entrant toutes les données des attrapés précédemment. Je crois que c'est des 5 dernières années. Ça peut peut-être même aller plus loin que ça. Et on va voir apparaître avec le StatCast très bientôt dans les matchs, selon moi, avec tout ce qu'on a depuis le début de la saison, l'exit velocity et la vitesse de la balle, la longueur du circuit. On va, d'après moi, voir apparaître, surtout dans des endroits comme Fox et ESPN, cette nouvelle métrique-là, qui est celle de la des chances d'attraper. Et là, on va voir vraiment les voltigeurs qui se distinguent en faisant des attrapés qui ont des chances de réussite de 3-8%. Et on va aussi peut-être être un peu moins impressionné par ceux qui plongent sur des attrapés qui ont des chances de 83% d'être à 83% d'être réussi. Donc, Matt Kemp, c'est terminé la plongée pour un attrapé. Donc, on va voir maintenant que c'est un des pires voltigeurs des baseball. Là, on va pouvoir mesurer le réel talent, en fait, ce que tu demandes, toi, comme entraîneur, à un voltigeur, à savoir, c'est avoir des bons départs, de te déplacer rapidement, d'avoir un bon angle de course sur ta balle, mm-hmm. et d'aller faire, somme toute, des attrapés relativement faciles, mais des balles qui étaient très loin de toi. Donc, c'est encore plus impressionnant quand on a accès à ces données-là, que de simplement voir quelqu'un plonger. On s'entend, ça va rester spectaculaire. Ah, on en veut encore, bien sûr. Kevin Pillar va rester probablement le voltigeur le plus spectaculaire, mais quand on analyse tout ce qu'il peut faire sur un terrain, il y a des gens qui sont bien mieux positionné en défensive, et ça va permettre peut-être à certains qui étaient des hot dogs un peu, aimaient bien mettre la moutarde, de se calmer et d'être peut-être mieux positionné après l'attraper. Un plongeon, ça permet jamais d'être bien positionné, alors c'est très utile quand il y a personne sur les buts, ou quand c'est le dernier retrait de la manche, mais pour le reste, c'est jamais très payant. Est-ce que ça prend en considération le temps de réaction? Oui, je crois que c'est capable de le prendre, et ça va surtout permettre, à partir de la première seconde que la balle est frappée, de voir la vitesse parcourue par pied de chacun des voltigeurs. Et ça, c'est assez impressionnant. Et on a déjà des statistiques qui nous permettent de voir qu'en moyenne, c'est pas une surprise, Billy Hamilton est le plus rapide de tous les voltigeurs des ligues majeures, et que c'est pas une surprise aussi, José Bautista a beaucoup de misère à se déplacer. Peut-être que si Kendry Morales pourrait retourner, peut-être jouer dans le champ, ça serait bon de le mettre DH, mais là, bon, ça fait partie de tous les paradoxes torontois. À suivre vraiment, je pense qu'il faut jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'est spectaculaire, plaisant et intéressant en même temps, même si ce n'est pas que la vérité. Maintenant, nos champions, les Cubs, tu les as regardés un peu jouer depuis le début de l'année. Tu as analysé aussi les choix qui sont faits, bon, soit par la direction et l'excellent entraîneur Madden. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison-là des champions? Et comme tu crois à peut-être une dynastie des Cubs, oui. Est-ce que la dynastie il y a des questionnements sur cette dynastie-là? Oui, parce que moi j'ai l'impression, je trouve que les Cubs ont les fondements. Ça va avoir des grandes phrases qui veulent rien dire à la politicienne, là. Mais donc ils ont les fondements d'avoir le potentiel de dominer pour une bonne décennie. Mais cela dit, il y a quand même des questions. Pour y arriver, moi, il y a deux choses qui m'intéressaient à regarder ce début d'année, en ce début d'année, pour voir si les Cubs pouvaient vraiment prétendre maintenant à s'installer comme une dynastie. Ben, le premier, pour moi, c'était Javier Baez. Parce que sans Javier Baez, on a de très bons joueurs à l'avant-champ, mais lui, c'est le joueur que s'il se développe bien, ça rend l'avant-champ sur une autre planète. Ça, mm-hmm. ça devient un des meilleurs avant-champs que j'ai vu, moi, dans ma vie. Si Javier Baez développe, on s'entend pas en défensive, il est déjà excellent. Ah ben son temps de réaction est incroyable. Il est rapide. Hein, bon, lui et Addison Russell, c'est de toute beauté. C'est mm-hmm. de la poésie de les voir jouer en défensive. Avec Anthony Rizzo, qui est probablement un des meilleurs défensifs au premier but. Complètement. Mm-hmm. Mais le bâton, ça fait deux ans que Chicago le cache un peu à Javier Baez. Hein, ils s'en servent à des moments très précis. Ils veulent pas le montrer trop parce que son bâton est encore déficient. Cette année, ils le font jouer beaucoup plus et son bâton est encore déficient. Oui. Donc là, on est en droit de se demander, ah ben, il y a peut-être que c'est Zubrist qui va finir au deuxième but régulier s'ils veulent retourner dans les séries d'après saison. Si Zubrist redevient régulier, que là, on ben, il est déjà régulier, mais oui, dans la droite. Là, c'est ça, il joue au champ droit. Donc s'il revient, et là, on regarde les voltigeurs, sont allés signer Jason Jay. Oui, John Jay. Ils ont toujours le poids de Jason Hayward. Jason Hayward, qui a un mauvais contrat, qui est mauvais au bâton, mais qui est un excellent défenseur, un excellent défensivement. Dans le champ droit, ouais. C'est le meilleur champ droit des Ligues majeures, oui, sans aucun doute. Mais là, l'autre question que moi j'avais, c'est Schwarber. Là, ils ont transformé Schwarber en voltigeur de gauche. Est-ce que c'est un vrai voltigeur de gauche? Et encore une fois, la réponse n'est pas si claire que ça en ce début de saison. Son bâton est correct. On va lui donner une chance encore un peu. Son bâton va sûrement être à la hauteur. Ça, il n'y a aucun doute sur son bâton. Je ne suis pas trop inquiet. Mais s'il est destiné à être frappeur désigné dans la Ligue américaine, ben, ils sont pas beaucoup plus avancés. Oui. Donc, les questions, pour moi, ma prédiction du début de la saison, est je ne suis vraiment pas convaincu encore. Mm-hmm. À cause de ces deux choses-là. Et à moyen terme, c'est les lanceurs. Parce qu'il y a des lanceurs qui vont ralentir là-dedans. Comment ils vont pouvoir relancer ou remplacer ces lanceurs-là. Donc, les Cubs, je pense, c'est encore une équipe qui est favorite cette année, mais elle ne sera peut-être pas aussi dominante que je m'attendais à cause de Javier Baez qui ne passe pas au deuxième niveau et Schwarber qui... Parce que quand tu arrives dans les séries, la balle a tendance à trouver les trous. Et si t'as Schwarber en défensive, si Baez n'est pas capable de frapper, ça commence à être difficile d'affronter des équipes comme les Red Sox de Boston. Ah, mais si on arrive dans l'américaine, évidemment, on est en série mondiale et le frappeur désigné va se positionner au moins 3 matchs, peut-être même 4. Donc là, on peut cacher Schwarber sans trop de problèmes. Oui. Et là, pour Jay, en tout cas, et même en ressortant Hayward, on a une défensive exceptionnelle. Moi, mon questionnement, c'est un peu comme comment est-ce qu'on joue nos cartes. J'ai pas trop de problèmes avec le fait qu'on peut avoir un ou deux joueurs qui ne performent pas à la hauteur. De toute façon, avec les Cubs, si tout le monde performait à la hauteur, ce serait presque absurde. On aurait une équipe vraiment une des plus grandes de l'histoire, ou presque. Là, on a des underperformers, pardonnez-moi l'anglicisme, et c'est tout à fait normal d'en avoir quelques-uns. Le seul qui est vraiment une grande question pour moi, ça reste Baez. Parce que au niveau du bâton, il n'a jamais montré autre chose que de la puissance. Vraiment beaucoup de puissance. C'est extraordinaire de le voir frapper avec autant de puissance. Mais pour le reste, c'est très dangereux. Mm-hmm. Et j'aurai toujours le fameux problème. Il va falloir faire un choix avec la patate chaude de Jason Hayward pour plusieurs raisons. C'est que là, on l'a mis dans le champ centre. Bravo. Sauf que si Jason Hayward est le meilleur champ droit du baseball, sans aucun doute, il n'est pas le meilleur champ centre du baseball, sans aucun doute. Alors, sans dire qu'on s'est affaibli, malgré tout, on ne s'est pas amélioré en déplaçant notre ami Jason Hayward. Et son bâton a l'air complètement mais disparu. C'est désolant de voir Jason Hayward, ce potentiel-là extraordinaire avec les Braves, qui depuis, et on le ramènera toujours sur la table, depuis qu'il a eu cette fameuse balle à la mâchoire et qu'il a eu la mâchoire fracturée et qu'il est revenu par la suite au bâton, n'est jamais redevenu un bon frappeur. Et ça, c'est assez exceptionnel. Ça s'est vu dans l'histoire du baseball. On pourra ne nommer que Ellis Valentine, ici à Montréal, qu'on connaît bien. À partir du moment où il a été atteint à la mâchoire avec cette fameuse fracture, n'est jamais redevenu un frappeur agressif. Et je me demande si, dans le fond, c'était pas la grande qualité de Hayward. Ça disait, oui, œil au bâton, mais aussi agressif sur les lancers dans la zone des prises. Et là, on voit que il est toujours aussi perdu au bâton. On peut jamais lui faire vraiment confiance dans les moments importants. Et là, avoir un joueur comme ça sur le banc, c'est assez particulier. Alors, je pense que les analyses que tu as faites sont encore très bonnes. Lâche pas tes Cubs. Non, peuvent gagner. Mais je suis pas en amour avec les Cubs. Mais s'ils font les bons mouvements, je vais le devenir. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça. Mais n'oublions pas, on a presque pas parlé hein, en presque 10 minutes du grand joueur des Cubs, le MVP, Chris Bryan. Il est tellement bon qu'on n'en parle plus. Bon, non, c'est ça, il n'y a rien à dire. Mais en même temps, c'est lui qui va mener l'équipe probablement jusqu'au bout. Si les Cubs se résument à Brian Rizzo et Addison Russell, ce n'est pas suffisant pour une dynastie, mm-hmm. selon moi. Et c'est pour ça que Baez et Schwarber sont importants et la façon dont ils vont renouveler leurs 5 partants est importante aussi. Oui. C'est vrai. Parfait. Maintenant, comme dernier sujet, eh bien, c'est un sujet de prédilection pour moi. C'est un peu une marotte, je l'avoue. Ceux qui me connaissent savent que j'en parle très, très régulièrement. Mais je suis assez estomaqué, surtout depuis les 5 dernières années, puisque j'ai décidé de prendre ce sujet-là un peu à cœur et de le suivre de très, très près. C'est pour moi le grand fléau du baseball. Évidemment, il y a le dopage, mais le dopage au baseball est révélé parce que, évidemment, on le suit et on fait quelque chose. Selon moi, il est aussi répandu dans les autres sports, mais on n'a rien pour... On ne met pas ses culottes, entre guillemets, puis on laisse les joueurs dopés poursuivre sans aucun test. Eh bien, c'est vraiment l'arbitrage. J'ai toujours affirmé que le baseball, ou presque, en tout cas, moi, depuis 5 ans, était le sport majeur le moins bien arbitré des sports que l'on suit régulièrement ici en Amérique du Nord. Pourquoi? C'est qu'avec le niveau de difficulté que le baseball demande, c'est-à-dire une concentration toujours assez focussée sur le jeu qui est en train de se passer, des joueurs qui ne bougent rarement tous en même temps. Il est vraiment possible pour un arbitre, qu'il soit sur les buts ou même derrière le marbre, de faire en grande majorité des bons choix et des bons appels. Ça n'a rien à voir avec la vitesse du jeu des autres sports, surtout pas le football, le hockey, le soccer, où tout le monde court de tous les bords. Ça se fait des croche-pieds, ça se donne des coups derrière le dos. Donc tout ça, évidemment, échappe aux arbitres. Et il faut aussi suivre la fameuse balle ou la puck ou je sais pas trop quoi. Et c'est pas facile. Tandis qu'au baseball, il y a une seule balle qui s'en vient à l'endroit où on sait. Et très souvent, les arbitres ont de la difficulté. Et on a vu encore une fois une honte cette semaine. L'arbitre Buckner, qui est identifié comme probablement le pire arbitre au moins des 20 dernières années, est allé nous faire une fin de match complètement absurde entre les Nationales et Atlanta, où on a eu pendant tout le match toutes sortes d'appels douteux sur des jeux sur les buts, sur un attrapé qui n'a jamais été un attrapé de Bonifacio dans le champ, et pour finir le match, vraiment la cerise sur le sundae avec 3 hommes sur les buts, le frappeur Chase Darno qui est là, rate la balle, s'élance, rate la balle d'au moins un pied. Et l'arbitre Buckner appelle une fausse balle, mais un peu timidement, ce qui fait que tout le monde quitte le terrain. On entre même les employés de soutien qui commencent presque à tondre la pelouse. Et j'ai jamais vu ça au baseball. Et pour moi, en toute honnêteté, ça ne fait pas sérieux. C'est vraiment, c'est pathétique de voir ça. Et je peux comprendre des gens qui n'aiment pas trop le baseball de facilement dénigrer ce sport-là en regardant le résultat que les arbitres lui font vivre. Et il y a 3 bonhommes depuis au moins 5 ans, sinon plus, qui détruisent vraiment la réputation du baseball au niveau de l'arbitrage. C'est le fameux Joe West, qui est une plaie incroyable, qui est vraiment le président du syndicat, qui est mauvais depuis 35 ans et qui est probablement va être reconnu comme le plus mauvais arbitre de l'histoire du baseball. Angel Hernandez, qui est un personnage imbu de lui-même, qui a même de la difficulté. Le seul arbitre qui n'est pas capable d'aller regarder une reprise vidéo et même après de faire le bon appel. et celui qu'on a vu, l'arbitre Buckner, qu'on a vu cette semaine, faire un paquet d'erreurs dans le passé. Et évidemment, arriver au stade où les joueurs et même les propriétaires d'équipe arrivent à une frustration qu'ils font ressortir dans les médias. Et là, on a l'impression d'une fausse chicane de famille, un peu n'importe quoi, où les enjeux de ces matchs-là sont importants et les arbitres qui sont derrière le marbre ne font pas leur travail sérieusement, surtout du point de vue du syndicat, puisque je pense qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle de qualité à un moment donné. Ça se peut pas, là, d'avoir une cinquantaine d'arbitres et qu'il n'y ait jamais d'évaluation de quoi que ce soit, et que lorsque le nouveau Rob Manfred arrive, le nouveau commissaire du baseball, demande de s'entretenir avec les arbitres pour parler de leur performance, et qu'il se fait dire qu'il n'y en est pas question, que ça ne peut pas faire partie des discussions à cause de la convention collective, toutes sortes de conneries comme ça. Je crois que l'arbitrage, l'attitude des arbitres et vraiment comment ils fonctionnent dans le baseball majeur, c'est tout simplement juvénile, à mon humble avis. C'est vraiment pas mature. Et quand je regarde un match, c'est la seule chose encore qui me fait dire qu'il faut absolument qu'il y ait une amélioration au baseball à ce niveau-là. Je dis pas que je suis contre les reprises vidéo. Je dis pas que je suis contre l'automatisation des balles et des prises. Je suis pas pour, certainement. Je pense que, comme on le disait, tu l'avais dit, bien mentionné, une erreur d'arbitre, ça peut faire partie du spectacle. Mais lorsque c'est devenu clairement non professionnel et fait de la façon dont, entre autres, on a vu cette semaine et plusieurs autres problèmes dans le passé, c'est récurrent et là, il faut faire quelque chose. Mais attends, hors micro, tu me disais quelque chose d'intéressant. Tu disais que par beaucoup d'aspects, l'arbitrage est encore ancré dans les années 40. L'image qu'on a des vieux entraîneurs, McGraw ou avant ça... Qui viennent crier, qui crachent sur l'arbitre et tout ça. Crachent sur l'arbitre, envoie de la terre battue. Ça faisait partie du folklore du baseball. Mais là, le baseball n'en est plus là. Il y a la télévision, il y a les reprises, il y a les statistiques avancées. On a encore l'impression que les arbitres, eux, sont les seuls à penser qu'ils sont encore là. Mm-hmm. Ils sont encore dans ce « Ah oui, on va s'engueuler avec les joueurs, puis ça fait partie du spectacle. » Alors qu'on est rendu ailleurs comme société en général. Oui, c'est pas un bon exemple. On en parle beaucoup aussi sur ceux qui suivent le baseball, sur les réseaux sociaux, que l'attitude des arbitres est vraiment une attitude qui va à l'encontre un peu des valeurs que l'on veut véhiculer maintenant, mais de toujours, jusqu'à un certain point. Quoi qu'il pouvait y avoir un certain intérêt à voir Earl Weaver crier des bêtises à l'arbitre, comme on pouvait avoir aussi au hockey la même chose à l'époque, dans les années 70. Mais ça va toujours exister, ça. Oui, oui, oui. Même si les arbitres sont plus polis et tout ça, ça va quand même arriver parce que l'intensité est là. Oui, mais à voir comment les joueurs parlent aux arbitres dans des sports comme, disons, le hockey, régulièrement pendant le match, avec plusieurs discussions très respectueuses. Une fois de temps en temps, ça explose. Au baseball, systématiquement, dès qu'on va parler à l'arbitre, il y a toujours une sorte de problématique qui s'installe, confrontation puérile. Et à ce moment-là, eh bien, on ne peut pas parler de balle ou de prise, on ne peut pas s'obstiner sur une erreur, on est automatiquement éjecté. Il y a même de plus en plus d'absurdité qui est commise en rapport avec le règlement du lanceur qui tente ou pas d'atteindre le frappeur. On a vu des lanceurs se faire sortir complètement parce qu'il avait échappé à la balle finalement, mais l'arbitre veut rester, en tout cas au baseball, c'est le sport où on sent, peut-être au soccer aussi, mais au baseball, l'arbitre veut rester roi et maître, that's it, et il est le seul à avoir la bonne réponse, même si il est à 180 pieds du jeu, comme ça s'est passé cette semaine entre les Braves et le National, où finalement, Bonifacio n'a jamais attrapé la balle, mais ça a été un out finalement. Et là, sur les réseaux sociaux, évidemment, on s'engueule à coups de Twitter, et c'est pas élégant. À mon avis, ça manque de classe et faudrait que le commissaire est là pour ça. Là. À un certain moment donné, l'association des arbitres ne peut pas aller au-delà de ce que le commissaire a comme vision. Et il est là pour représenter, si on veut, le bien du baseball. On ne va pas exagérer là, dans une vocation exceptionnelle pour ce sport-là, mais il faudrait au moins que tout ça s'arrête et qu'on entre dans les rangs et qu'il y ait des évaluations. Pourquoi est-ce que les joueurs sont évalués, eux? Ils retournent dans les mineurs quand ils ne font pas le travail. Et là, les arbitres, ils sont toujours bons, ils sont toujours parfaits, même si la reprise vidéo. Je ne veux pas que les arbitres soient meilleurs que la reprise vidéo, mais je veux au moins qu'ils nous montrent qu'ils prennent ça à cœur, qu'ils veulent s'améliorer et qu'il y a peut-être un système dans lequel ils vont eux-mêmes aussi se perfectionner, ce qui n'existe pas du tout, mais pas du tout dans l'association des arbitres des ligues majeures de baseball, alors qu'on sait très bien qu'au hockey, il y en a des camps de perfectionnement, ne serait-ce que physique, pour le patinage, pour suivre le jeu, mais il y a les gens qui sont responsables, les arbitres sont très présents. Et quoique tu me disais qu'au hockey, ça fait dur parfois, la vitesse du jeu est tellement rapide que déjà que les gars soient, les arbitres soient capables de faire un bon travail de temps à autre, c'est assez exceptionnel. En fait, ce qui fait dur, ben là, on parle pas de hockey, là, c'est un podcast sur le baseball, mais c'est pas du même ordre. C'est-à-dire qu'au hockey, ce qui fait dur, c'est que, par exemple, en série éliminatoire, c'est plus du tout le même sport, en fait. Mais les arbitres sont conséquents, sont cohérents là-dedans. Oui, je comprends. Alors qu'au baseball, il n'y a pas de cohérence. D'un match à l'autre, c'est ça. On peut avoir un Eric Gregg qui, dans les années 90, va donner 32 prises à l'extérieur de la zone des prises à Lévan Hernandez, qui va faire 15 rétro-bâtons à l'époque. Je suivais ça parce que, évidemment, c'était contre Greg Maddux et les Braves. Et c'est encore vu aujourd'hui comme une honte dans l'histoire de l'arbitrage au baseball. Et on en parle encore 20 ans plus tard. C'est sur tous les blogs dès qu'on parle de mauvais arbitrage. Alors, c'est des tâches qui restent. Et les joueurs ont parfois de très mauvais comportements, mais ils sont presque 1000. Et là, avec nos 50 arbitres, on a de la misère à avoir un minimum d'ordre et des gens qui sont les meilleurs. C'est une profession quand même qui est très relevée, où on est grassement payé pour le type de travail que l'on fait. Et la seule chose qui a évolué depuis peut-être 40 ans, c'est qu'on n'accepte plus les arbitres au-delà de 300 livres. C'est tout ce qui est... il faut perdre la bédaine et puis après ça, tout va bien. Alors, on vous laisse pour cette petite partie-là de nos discussions sur cette deuxième édition de Basecall. Et on revient pour notre petit blog de la fin où on ose faire des prédictions avant qu'il soit trop tard et puis qu'on ait trop d'informations. On va se lancer. On va essayer de prévoir qui sera le joueur le plus utile, qui sera le gagnant du trophée Cy Young et qui seront les recrues à surveiller, en tout cas lorsqu'on arrivera au fil d'arrivée à la fin de l'année. Alors, un peu de musique et on revient. Dad in the garage, the sawdust, that pine saw in the moss. Around every spring, when the winter thaw, we'd huddle around the radio, twist the broken knob. 7:10 a.m., no KJR. Dave Lee House, his voice would echo throughout the yard. Couldn't have been older than 10, but to me and my friends, the voice on the other end might as well have been God's. 1995, the division series, Eggers at the bat, bottom of the 11th inning, got the whole town listening, swung on and belted, the words distorted, Joey Core rounds third, here comes Griffey, the throw to the plate, not in time, my oh my, the Mariners win it, yes, fireworks, they lit up that ceiling in the King Dome, we had just made history. Woven, barely holding that stitch. Creases of time amongst the grime and the grit. Where the leather used to pound his fist. To some it's just a mitt, but see that glove was him. Yep, tell me stories on the field with that sun-stained rim. Blood under my chin, he taught me how to spit. Sunflower seeds back with me and my crew. Sunburnt arms, big league shoe. Yeah, we were like the sandlot after dinner. After practice we listened to the M's in the kitchen. And if mine wasn't tripping, come on dad. Please, I swear this one more inning. Voice would pump, pump through the system. Break out the rye bread. It's grand salami time, my oh my. Another victory, yes. My city, childhood, my life. Watching Griffey right under those lights. Alors maintenant, comme dernier bloc pour cette édition de Basecall, on va essayer de vous donner, en tout cas on va pas essayer, on va le faire, on va vous donner nos prédictions pour cette année, dans trois catégories les plus populaires ou presque les plus importantes en tout cas, où on peut vraiment prédire quelque chose, prédire le gérant de l'année, c'est pas facile, mais prédire le joueur le plus utile, le récipiendaire du trophée Cy Young et évidemment la recrue de l'année, ça c'est possible. Et on essaie. Philippe, toi, du côté du joueur le plus utile dans la Ligue nationale, tu t'es penché sur quel joueur? Moi, mon choix, évidemment, bon, il y a les incontournables, mais mon choix, moi, s'est arrêté sur Nolan Arenado. Principalement pour quelque chose que je répète beaucoup depuis deux émissions. Moi, les Rockies, j'y crois. Je pense qu'ils ont une bonne équipe. Et Nolan Arenado, c'est le cœur de cette équipe-là au bâton. Il y a 24 ans, il commence seulement à éclore et ça peut faire très mal. Et contrairement à beaucoup de vedettes qui sont passées par Colorado, il a de très bons chiffres à l'extérieur aussi. Du fameux stade où l'air est plus rare. Mmh. Ben non, Nolan Arenado continue. Et je pense qu'avec les chiffres astronomiques qu'il va avoir, je pense que c'est lui qui va remporter la palme. Pour plus de transparence, tu peux même ajouter que tu as procédé un tout petit peu différemment de moi. C'est-à-dire que tu es allé avec ton choix logique, mais tu as aussi gardé ton choix plus de cœur, entre guillemets, ouais. Ton choix plus personnel. Moi, mon choix de cœur, ça serait Addison Russell, l'arrêt court des Cubs, parce que moi, j'ai toujours un faible pour les joueurs, pour les magiciens en défensive. Et en plus, Addison Russell, il est de mieux en mieux au bâton à chaque demi-saison. Là, l'année passée, il a quand même terminé avec une vingtaine de coups de circuit, 90 points produits. Écoutez, si tu es capable de faire ça au bâton et que tu es un gant doré à une position aussi stratégique qu'Arecourt, hein, moi, tu as toute mon admiration. Et selon moi, c'est ça un réel joueur le plus utile à son équipe. De mon côté, tu me connais, je suis allé un peu plus avec un choix logique. J'ai pas laissé de place à mon cœur du tout. Mais malgré tout, c'est pas un joueur que je déteste. Je pense que cette année, on le voit, là. Vous pourriez dire que c'est facile à prédire, mais le retour de Bryce Harper en forme fait une grande, grande différence chez l'équipe des Nationals. Je crois aussi que les gens qui votent sont souvent aveuglés par la position au classement de l'équipe. Et il n'y a aucune raison pourquoi Washington ne terminerait pas premier dans l'Est de la Nationale cette année. Et je crois qu'on va chercher quand même, à travers les joueurs de cette équipe-là, quelqu'un qui a contribué de façon assez importante. Et Bryce Harper devrait faire la différence dans ce choix-là. Peut-être quelqu'un des Cubs pourrait revenir à la charge. Oui. Malgré que moi, je crois que les Cubs sont vraiment quand même bien balancés, peu importe ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il est peut-être un peu... il est peut-être malvenu de choisir vraiment un seul MVP ou un seul vrai joueur le plus utile chez les Cubs. Si j'avais vraiment à faire un choix sentimental, en tout cas, ce serait tout sauf un joueur de LA Marcus Thames. Mais bon... Pour le reste, je dirais que malgré tout, ma tête me dit que quelqu'un comme Justin Turner peut vraiment s'en sortir avec ce genre d'honneur-là. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien franchement l'équipe de LA, s'ils réussissent encore à terminer en première position, ça sera bien sûr grâce au lanceur, mais on voudra quand même chercher un frappeur qui a fait une petite différence. Et je vois pas qui que ce soit d'autre que ce joueur polyvalent-là, que je n'aime pas du tout, autant pour sa personnalité que même pour son jeu très médiocre avant qu'il change sa position au bâton il y a à peu près 2 ans, remporter ce genre de titre-là. Corey Seager, peut-être, évidemment. Ouais. Est-ce qu'il est déjà prêt? Est-ce qu'on va vouloir voter pour quelqu'un d'aussi jeune? Mais ce sera un en ces deux-là. Mm. Et je me méfie toujours des gens qui votent lorsque c'est le temps, parce qu'on a trop souvent vu des gens de LA remporter surtout les recrues de l'année et même parfois des MVP plus ou moins mérités. Alors peut-être que Justin Turner pourrait faire partie de la liste. Mais dépendamment du genre de saison qu'Arizona a, je pourrais assez facilement imaginer Goldschmidt recevoir sa part de vote. Mm-hmm. La raison pour laquelle moi j'entre pas à Arenado et Goldschmidt, c'est que je pense qu'une des deux équipes devrait me faire mentir, mais je crois pas à ces deux équipes-là. C'est deux équipes que je vois jouer peut-être autour de 500 maximum. Et ils pourront... Là, avec la blessure des Pirates, par exemple, il y a des matchs aussi qui vont jouer pour le meilleur deuxième, qui pourraient peut-être se promener là. Mais j'ai encore... Mon cœur est toujours avec les Géants, puis les Géants jusqu'au bout. Il faut qu'ils réussissent au moins à se faufiler encore dans les séries cette année. Une année sans les Géants en série, ce serait... Je sais pas. Il manquerait quelque chose, en tout cas. Cela dit, du côté de l'Américaine, tu y vas avec qui? Moi, j'y vais avec Mookie Betts à Boston. Parce que, bon, c'est pas mal le cœur de cette équipe-là. C'est le leader. C'est un bon joueur à tous les niveaux. Et Boston va avoir une bonne saison. Donc, j'y vais avec lui. Mais je connais ton choix. Puis, je dois dire que ton choix était mon deuxième. Oui, parce que Francisco Lindor, je crois qu'ils sont mûrs pour lui donner quelque chose. On sent que ce joueur-là suscite beaucoup, beaucoup d'attrait. Autant chez les journalistes que les partisans. C'est quelqu'un qui est extrêmement sympathique aussi. s'amuse sur le terrain, a une très belle image, je crois, à travers la Ligue nationale. Et malheureusement, lorsqu'il vient, si on vient de temps de voter, ça joue, ça devrait pas, mais ça va jouer. Ce qui fait qu'un joueur peut-être supérieur à Lindor, comme Manny Machado, ne devrait pas remporter ce genre de trophée-là, malgré toutes ses performances, vu, je dirais, la relation qu'il a avec les médias et le fait qu'il est considéré quand même comme quelqu'un d'assez instable et pas très sympathique. Mais Lindor, quel beau joueur. Et oui. Cleveland devrait finir premier. Ça, il n'y aura pas de doute. Là. J'espère, en tout cas, que Cleveland finisse premier. Et on va chercher quelqu'un. J'ai juste peur que Betts soit perdu dans le tas, là-bas à Boston. Ça se pourrait. Il devrait probablement mériter à la fin de l'année cet honneur-là. Mais j'ai peur qu'on choisisse quelqu'un d'autre parce qu'on va se dire, finalement, Boston est tellement bien équilibré. Tout le monde a contribué. Puis là, on va laisser Betts de côté. Ça se pourrait très bien. Notre Cy Young dans la nationale. Vas-y, Louis. Oui, OK, j'y vais. Bon, alors, j'y vais pour quelqu'un à qui c'est peut-être le tour. Je serai très logique. Ton choix est le plus évident, je pense. Et j'ai choisi d'y aller avec le deuxième, peut-être en essayant de prédire la façon qu'on veut, comment se comporter les voteurs, les gens qui vont voter pour ces gens, ces trophées-là. Et je pense que Thor, Syndergaard à New York, semble avoir tout ce qu'il faut cette année pour aller jusqu'au bout, finir sa saison. Il aura probablement des chiffres assez exceptionnels, quoique peut-être pas nécessairement aussi dominant que ce qu'on aurait pu avoir de quelqu'un comme Clayton Kershaw. Mais encore là, il faut faire gagner quelqu'un de New York éventuellement. Et ça, je pense, c'est une tradition chez les journalistes, autant dans l'américaine que dans la nationale. Et là, il est extrêmement adulé. C'est toute sa marchandise se vend très bien. Les gens l'adorent, la personnalité, son surnom. C'est quelqu'un qui va avoir ce genre de trophée-là très bientôt, en tout cas. Ah oui, ben écoutez, c'est un très bon choix, là. C'était mon deuxième choix. Mon premier, ben écoutez, si je fais pas dans la subtilité, c'est Clayton Kershaw. Pour moi, Clayton Kershaw fait partie des lanceurs que s'il est en santé, il gagne. C'est simple. C'est, pour moi, c'est du même ordre que Sandy Koufax. C'est un lanceur qui va être dominant. C'est le lanceur de sa génération. Alors, je ne voterai jamais contre ce gars-là. Non, c'est certain. Moi, j'ai juste peur que, justement, on essaie de briser... on essaie de faire changement, pas pour les bonnes raisons, et que là, on veuille amener quelqu'un d'autre pour ne pas laisser, je dirais, toujours la lumière sur le même joueur, qui fait qu'en diversifiant, ben, on s'assure aussi que toutes les équipes en ont pour leur dû. Quand on donne le même trophée à quelqu'un pendant, je sais pas, 6 ans de suite, eh ben ça jette un peu d'ombre sur les autres équipes qui, malheureusement, ne voient jamais leur bon lanceur récompensé. On a vu ça avec Maddox, on a évidemment vu ça avec Clemens, et évidemment, le Big Unit, qui, lui, a eu 4 Cy Young de suite. Et pendant ce temps-là, il n'y avait que lui dans la Ligue nationale. Maintenant, du côté de la Ligue américaine, moi, j'y vais avec... c'est l'année de Chris Sale. Chris Sale, l'an passé, a eu quand même une très bonne saison dans une équipe assez médiocre qui ne lui apportait probablement pas beaucoup de challenge. Le seul problème que j'y verrais, c'est que les statistiques me feraient mentir en me disant qu'il n'y a jamais eu de très bons gauchers à Boston. La majorité des gauchers qui ont lancé à Boston ont eu des moyennes au-delà de 3, parfois même 3,5. Souvent, c'est pas suffisant pour un Cy Young, ce genre de moyenne-là. Mais j'ai l'impression que sa dominance des frappeurs gauchers et le fait qu'il va éviter les balles tirées dans la droite pour franchir la petite clôture qui était bien apprécié par David Ortiz, va lui permettre de s'en sauver. Une moyenne autour de 2,30, 2,50 avec un 260 retour bâton, ça devrait être correct. Ben, on voit ça de la même façon. Moi, c'est Chris Sale aussi. Je pense que c'est son année. Je pense que tout est là. Il a l'expérience, il a l'équipe derrière lui. Tout est là. Et moi, ben, tout simplement, je pense que ça fait des lunes que tout simplement que Boston n'a pas eu de gaucher aussi dominant que ça. Alors, moi, il y a un côté mythologique avec le fait que les gauchers ne peuvent pas réussir à Boston. Ben, je me dis, ben oui, mais là, ils ont le meilleur gaucher. Là, on va pouvoir juger. Oui, exactement. Puis, bon, ils n'ont pas le meilleur gaucher parce que Kershaw est sûrement... Mais je veux dire, ils ont un superbe gaucher. Et puis, le dernier en date était peut-être John Lester, qui n'était vraiment pas piqué des verres, malgré tout, n'arrivait pas à une dominance de ce type-là. Mais exactement. Pour la recrue de l'année, ben, je vais te rendre la politesse. Je vais te laisser aller. Écoute, j'ai eu beaucoup de difficultés, moi, à établir la recrue de l'année parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a les recrues qui commencent la saison. Et il y a une mode chez les... Ben, une mode, ça fait quand même presque 20 ans que c'est ça. Les équipes qui n'ont pas de chance de gagner, souvent, leurs meilleurs jeunes joueurs, ils le laissent dans les ligues mineures jusqu'au 1er juillet pour sauver une année d'autonomie. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent au 1er juillet qui sont dans les faits les meilleurs. Et si un de ces joueurs-là réussit à avoir une excellente fin de saison, peuvent se sauver avec le titre de recrue de l'année. Ça s'est déjà vu et ça pourrait encore se répéter. Donc, c'est pas facile au début de saison de prédire le titre de recrue de l'année à quelqu'un qui joue même pas encore. Alors moi, je me suis amusé sur les deux fronts. Si je choisis la recrue de l'année dans la nationale pour les joueurs qui sont déjà avec leur équipe, moi, j'y vais avec Amir Garrett, le jeune lanceur des Reds de Cincinnati, parce que ce qui m'impressionne le plus, oui, bon, il a une bonne balle rapide, il a une bonne balle à effet, il fait beaucoup de retraits sur trois prises, mais ce qui est impressionnant pour un jeune lanceur comme lui, c'est il n'y a pas de but sur balle. Je pense en trois départs, il a accordé deux buts sur balle. C'est incroyable. Et le fait de ne pas accorder beaucoup de buts sur balle, ben ça t'aide plus facilement à passer à travers les mauvais matchs ou les mauvaises séries de matchs. Ça va arriver. Mais si tu n'accordes pas trop de buts sur balle, ta défensive, à un moment donné, va finir par t'aider, etc. etc. Et on sait que quand on lance à Cincinnati, ce qui arrive souvent, le match va passer sur le circuit de trois points. La balle n'arrête pas de sortir de ce stade-là tout le temps. Alors, si on n'a pas trop de monde sur les buts, on tient notre fameux whip très bas, eh bien, au pire, les petites erreurs vont se payer beaucoup moins cher. Oui, ben c'est mon choix pour le recul d'année. Excellent. Tu voulais peut-être parler d'un joueur qui ne joue pas encore, oui, mais qui pourrait nous surprendre peut-être autour du mois de juin. Alors, en fait, il aurait été, il est d'autant plus mon choix à partir du 1er juillet, maintenant que Starling Marte est suspendu. C'est Austin Meadows, qui est probablement le meilleur prospect dans le pipeline, j'aime pas l'expression, mais dans le pipeline des Pirates de Pittsburgh. Et lui, donc, avec la suspension de Marte, a des chances d'arriver plus vite peut-être. Ou, mais non, si Pittsburgh juge qu'ils n'ont pas de chance, ils vont attendre. Mais il va avoir sa place quand il va arriver. C'est tout un athlète. Il va être quand même assez bien entouré avec les joueurs qui sont déjà en place à Pittsburgh. Donc, j'y crois assez à cette possibilité-là. Austin Meadows. On va le voir en septembre, c'est certain. Oui. Mais si Josh Bell frappe un tant soit peu, malheureusement... ça peut le retarder. Je pense que Pittsburgh ont raté d'extraordinaires chances en jouant la mauvaise carte, c'est-à-dire en gardant leurs jeunes dans les mineurs alors qu'ils en auraient eu besoin. Il s'est passé ça avec James Stallion. Il s'est passé ça avec Tyler Glasnow aussi. Et ils n'ont pas réussi à être aussi compétitifs qu'ils auraient pu en gardant ces jeunes-là dans les mineurs. Et j'ai peur que ce soit la même chose. Mais ce gars-là va être superbe. J'ai bien hâte de le voir arriver le plus vite possible dans le baseball majeur. Sinon, moi, de mon côté, dans l'américaine, j'y vais avec... on était dans le national, t'as commencé dans le national. Alors, j'étais un peu mêlé. Mais bon, le choix logique... pour tout le monde, il y a à peu près trois semaines, évidemment, c'était Dansby Swanson. Je pense qu'on se laisse un peu influencer par le mauvais début de saison de Dansby Swanson. Dansby Swanson qui fait ce qu'il est censé faire, frapper presque 300 avec une dizaine de circuits, 60 points produits, un jeu de très haut niveau en défensive, remporterait probablement tout ça. Cependant, il y a des points d'interrogation. J'étais un des premiers à avoir des points d'interrogation, même si c'est clairement mon choix de cœur, entre guillemets. Et je crois que les gars à San Diego vont avoir toute la place possible pour s'exprimer. C'est pas que Dansby Swanson n'aura pas l'arrêt court toute l'année avec les Braves, mais je pense que des gars comme Margot et puis Renfroe, les deux jeunes voltigeurs de San Diego, qui risquent de jouer une grande majorité des matchs cette année, vont aller chercher, ne serait-ce qu'au moins par quantité, ce genre de trophée-là. Pour l'instant, on a l'impression que Manuel Margot est un peu mieux parti. Mais on va voir. C'est un peu trop tôt pour savoir lequel des deux va vraiment dominer. Mais le trophée de recrue de l'année irait du côté de San Diego. Et je pense aussi qu'on voit vraiment San Diego comme une équipe qui est mal en point, qui, malgré des résultats qui ne seront pas si loin d'équipes comme les Braves d'Atlanta ou Cincinnati, on reconnaîtra cette équipe-là comme ayant besoin d'un petit coup de pouce. Et je pense que ça va influencer aussi les gens qui vont voter. Et ils vont aller du côté d'un de ces deux gars-là à San Diego. Maintenant, du côté de l'américaine. Ben moi j'y vais sans trop d'originalité avec Andrew Benintendi à Boston. On est d'accord là-dessus. Oui, ben écoutez, ben, en fait, lui, l'avantage qu'il a sur toutes les autres recrues, c'est qu'il est tellement bien entouré. Il n'y a aucune pression. Si lui ne fait pas le travail au bâton, c'est pas grave. Il y a Mookie Betts, Jackie Bradley autour de lui, Henry Ramirez qui est en train de se réinventer. Il y a plein de bons frappeurs. L'équipe ne repose pas sur lui. On peut se permettre de le faire jouer toute l'année sans l'embêter et on le met déjà troisième frappeur. Oui, et Dave, peut-être qu'il va se promener dans l'alignement. Peut-être. Mais il va toujours être bien placé. Je disais tout à l'heure, puis c'est même pas une blague, même s'il frappe 9e à Boston, il est déjà bien placé dans l'alignement. Ne serait-ce qu'en se rendant sur les buts, Bradley va le faire avancer, puis on est parti pour des points marqués. Alors, en tout cas, dans un pool, c'est évidemment une des rares recrues cette année qui est partie tôt. D'habitude, oui. On ne voit pas de recrues être sélectionnées tant que ça avant au moins la 12e, 15e ronde. Et là, dans certaines de mes poules, Benintendi est parti beaucoup plus tôt que ce que j'aurais cru. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas eu dans aucun pool, finalement. je me suis fait avoir. Mais comme on était d'accord sur là-dessus et qu'il n'y avait presque rien à dire autre que on lui souhaite bonne chance et on croit que ce sera lui, tu as vraiment bien sélectionné, je crois, un lanceur que l'on aime beaucoup voir lancer et qui serait peut-être un deuxième choix. Ou en tout cas, si on devrait choisir un lanceur, oui, ben c'est ça. Qui serait-il? Ben moi, ça serait Jarrell Cotton avec Billy Bean et les Aces d'Oakland. Ouais. C'est un très beau lanceur à avoir lancé. Il y a un changement de vitesse incroyable. Je pense que quelque chose comme 15 000 à l'heure de moins que sa balle rapide, ce qui est énorme. Oui. Il est vraiment très beau à voir. Il est bon. Il a été bien formé, n'en déplaise à Louis Martin. Non, ça, ils sont excellents. Avec les Dodgers à Los Angeles. Tout à fait. Il était prêt. C'est une bonne prise de Billy Bean. Et là, il a toute la place. Il peut même se permettre de se casser la gueule pendant quelques départs. Les Aces d'Oakland vont continuer à lui faire confiance. Moi, je pense qu'il y aurait des bonnes chances. Il y a rien qui me déplaît, entre autres, dans la formation des Dodgers, puisqu'ils ont formé des lanceurs exceptionnels. Cotton fait partie, justement, de ce groupe-là. On verra peut-être même, tu l'avais noté, José de Leon apparaître, un autre gars qui vient du même endroit, les Dodgers de Los Angeles. Mais j'ai Cotton, entre autres, pris dans Cotton dans quelques poules. Et je pense que entouré sans pression avec notre bon vieux concept du Moneyball là-bas au Oakland, ce qui pourrait lui manquer, c'est peut-être des victoires. Oui. Parce que je vois pas encore, et pourtant j'écoute leur match le plus possible. Qui peut frapper dans cette équipe-là, vraiment frapper, je parle, là. Pas juste un circuit comme que Chris Davis peut le faire. L'attaque est assez anémique. Les joueurs sont en grande majorité médiocre, ce qui fait qu'on a donné beaucoup de place aux lanceurs dans les dernières années dans le concept de Moneyball, et c'est bien parce qu'avec cette caverne-là à Oakland, sortir une balle de là, c'est compliqué. Faut des claques assez exceptionnelles. Dès qu'on frappe vers le centre, c'est presque sûr que ça sortira pas. Donc, ça donne beaucoup de place aux lanceurs. Et si on regarde des lanceurs peu connus dans les 10 dernières années qui sont quand même sortis de là avec des saisons vraiment respectable. Malheureusement, une fois échangés, ils n'ont peut-être pas tenu leurs promesses ou n'ont peut-être pas été capables de poursuivre pendant 10 ans. Oakland est quand même une petite pépinière pour ce genre de lanceur-là. Et on a juste à penser à notre ami qu'on attend depuis longtemps. On espère qu'il va revenir en pleine forme. Sonny Gray, qui a tellement été bon pendant une courte période de temps et qui, là, bon, justement, est un peu... accumule les blessures. Oui, exactement. Et on se demande parfois, bon... je parlais évidemment du fameux Dusty Baker lors de la dernière séance de Basecall, mais s'il n'y a peut-être pas un autre type de problème aussi à Oakland sur une certaine surutilisation, un manque de préparation, mais il semble que les lanceurs de talent, et c'est même vrai depuis l'époque de Moneyball, il n'y a que Tim Hudson probablement qui n'a pas eu besoin de s'en aller au bistouri rapidement. Tous les autres ont terminé leur carrière très difficilement. Corey Liddell, on les a tous perdus. Ça sent semble être aussi encore le même refrain là-bas. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner, mais j'espère que ce gars-là va pas se gaspiller à Oakland. Et comme le disait Pedro Martinez cette semaine sur MLB Network, il comparait un peu la posture de Cotton à la sienne et la qualité de sa balle dans son changement de vitesse, justement. Et il n'avait que des bons mots presque à dire sur ce jeune lanceur-là. Et quand Pedro, je pense, décèle quelque chose de bien chez un jeune, C'est vraiment un avis à considérer. Oui. Ouais. Alors, c'est tout pour cette édition-là. Ça fait quand même un mois qu'on ne s'était pas jasé. Alors, il y avait beaucoup de choses à dire. Que vous ayez écouté tout du long, vous êtes un vrai amateur ou que vous nous écoutiez en partie. C'est pas pour rien qu'il y a trois sections. Alors, vous pouvez l'écouter à trois moments différents. On a fait le tour de ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'on va vraiment surveiller dans le prochain mois, selon toi, Philippe? Est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier autre que regarder les équipes évoluer? Je pense que dans un mois, on va pouvoir commencer à parler de bagarre, de bagarre au classement. Un mois, moi, j'attache à peu près pas d'importance à ce que je vois. Mais dans un mois, oui. Là, dans un mois, il va y avoir des tendances on va vraiment pouvoir se poser la question, OK, est-ce que cette équipe-là est vraiment en train de lutter? Et les blessures, je dirais, là, les blessures importantes qui vont arriver dans le prochain mois, qui risquent de changer le portrait complet. Mm-hmm. Alors moi, je pense que c'est les deux, côté baseball sur le terrain, c'est les deux choses qui m'intéressent dans le prochain mois. Excellent, on sera là. Et puis, j'espère que vous continuerez à nous suivre. Et n'hésitez pas à partager, entre autres, ce podcast avec les gens que vous connaissez qui sont mordus de baseball et qui ont envie peut-être éventuellement de discuter avec nous. Vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse baseball10acommercial@gmail.com. Et pour l'instant, on n'a presque pas eu de gens qui nous ont contactés, mais allez-y en grand nombre, ça nous fera plaisir de lire et d'en parler si vous avez des questions ou des sujets extrêmement intéressants sur lesquels vous voudriez qu'on se penche. Alors, à la prochaine. Merci, Philippe. Merci à toi, Louis. Un grand plaisir et à bientôt, tout le monde.